Bonjour mes amis, et j'espère que vous avez tous vu ça. Une fois de plus, j'ai remporté l'Oscar du meilleur acteur autrichien qui vit en France et qui s'appelle Helmut. C'est Catherine Zeta-Jones qui me l'a donné. Oh la pauvre. Quand elle m'a vu monter sur scène dans mon smoking vert en croûte de porc, j'ai cru qu'elle allait craquer, qu'elle allait me violer sur les genoux de Michael Douglas. J'étais obligé de la gifler. Bref. Oh mais quelle émotion quand on déchire l'enveloppe. And now, best Austrian actor living in France, the Oscar goes to... Helmut Perchu! Ah! Ah! Oh, thank you! Thank you! Give me the statuette, toi! Ah, Dankeschön. Allez, fuck off! Ah, my friends! I am so happy that you choose me! Even if c'est normal, my role in the movie, The Return of the Cat qui fait du kung-fu, is remarkable. Je voudrais remercier The Cat, of course, and the réalisateur, my dear friend, Madame Pedrosa. Et puis, comme c'est un des Oscars les plus importants, on a passé un extrait du film. And now, ladies and gentlemen, the bande sonore of the Return of the Cat qui fait du kung fu. 1468. The King Valery is very much a salopard. Ha ha ha, I am a salopard. King Valery has kidnapped the Queen of the Tapete, Lady Zuzu. There is only one chance for Lady Zuzu. The Chevalier Helmut and his fidèle cat qui fait du kung fu. Help! Help! I need somebody help! Have you heard my fidèle cat qui fait du kung fu? Meow, voilà. Is Lady Zuzu, I'm sure. Let's défense the door and mettre de raclette everybody. Meow, meow. Oh my god, it's a Chevalier Helmut and son cat qui fait du kung fu. Comment les gars, laisse mettre une branlée à chez connard. Will the cat qui fait du kung fu and the Chevalier Helmut mettre une raclée à King Valery? Ou bien est-ce que King Valery va mettre une big fucking branlée? The response in the return of the cat qui fait du kung fu. Ah, c'était bon, mes amis. Oui, bon, bien sûr, j'ai fini la nuit avec Nicole Kidman, histoire de ne pas la faire de jalouse. Ah, j'aurais bien aimé honorer tout le monde, mais fallait que je reprenne l'avion pour être là avec vous. Ah, tu fais quoi maintenant, Lecoq? Ça te dirait qu'on aille faire l'amour vite fait sur la photocopieuse avec Bambou? Oh, oui, génial. Alors? Ok, Bambou. Ah, oui, bien sûr. Ok.